soleil brille déjà. Et sans penser au lendemain, mes yeux perdus cherchent le chemin qui mène à toi. Mais si le temps nous laisse le droit d'arrêter le ça dérange quelqu'un ici-bas. Sachez que mon ange chasse les mauvaises voies.